clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Os meus corvos, esta é a minha noite e você está no Clair Obscur, o programa das músicas das sombras do Rage. Sou o Stefan e, como quartas-feiras, como sempre, ai comigo uma carioca do Frasca, uma beleza moça, Nathalie. Boa noite. Bonjour à tous, je vous la fais en français parce que j'avoue que moi, le portugais, j'ai un peu plus de mal. Mais bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur Clair Obscur. Vous aurez reconnu, vous êtes toujours sur Rage et vous êtes toujours dans votre émission du mercredi soir sur les musiques sombres. Et moi aussi, je vais continuer en français parce que je dois avoir un accent tout pourri en portugais. Mais en même temps, quel plaisir de parler la plus belle langue du monde, celle de Fernando Pessoa et de Vinicius de Moraes, pour ne pas dire Vinicius de Moraes. Bref, j'y arriverai jamais, décidément. Mais c'est à une belle conclusion cette année, une dernière émission de 2009 qu'on vous convie. On a décidé de faire ça de manière flamboyante avec une émission spéciale consacrée au Brésil. Ce pays où on ne peut rien faire comme tout le monde, puisque les gens, en ce moment, ils sont en été, pendant que nous, on se pèle le cul. C'est ils comme ça. Ils ont bien raison. Mais ça ne les empêche pas d'avoir quelques idées noires, eux aussi, et de mettre ça en musique, notamment avec ce morceau d'introduction que tu nous as ramené, un morceau de Sepultura, sur lequel on reconnaissait ces gros bourrins de métalleux, ainsi qu'un percussionniste qui se faisait connaître à l'époque. Il s'agissait de Carlinhos Brown. Et c'était quel album déjà ? C'est l'album Roots, sorti en 1996, donc qui est un de leurs plus connus, où il y a Bloody Roots dessus, où il y a énormément de morceaux phares. Et moi j'ai choisi ce morceau parce que je trouvais qu'il vraiment, on avait le côté Brésil, on avait le côté, comme je disais hors antenne, organique. Je trouve que c'est une scène qui est très très organique, qui parle vraiment du sang, de tout ce qui est la terre, la vie, ce qui fait qu'on est humain. La chair, voilà. Et je trouve que c'est une très très belle scène, donc j'avais envie d'ouvrir l'émission avec la dernière de l'année. Soyons honnêtes, chers amis, elle a aussi passé ce morceau-là, Ratama Ata, en introduction de cette émission, puisqu'elle sait que c'est un de mes morceaux préférés. Mais elle ne voulait vrai, pas le dire à l'antenne. Je faillote un peu, allez, voilà, comme ça, il me garde une année de plus. Et on va continuer toujours dans ce côté très très brésilien, avec ce mélange très très particulier qu'ils ont des musiques sombres et de leur propre mentalité, de leur propre univers proprement brésilien, avec un groupe des années 80, Black Future, et le morceau Eu Sou o Rio. Thank you. apoteose, isolão, o rio do desespero e da maldade, o rio da mediocridade, o rio da falta de sonho. C'était pour vous Black Future avec le morceau Eosu au Rio, je suis Rio, sous-entendu de Janeiro, qui n'est pas la capitale mais bien la ville la plus importante du Brésil et la ville originaire de ce groupe-là, Black Future, qui s'est créé dans les années 80, qui a eu une carrière éclair, comme beaucoup de groupes de cette période-là, puisque au Brésil, il y a eu une explosion au niveau pendant les années 80, pendant la période de ce qu'on a appelé rétrospectivement la Now Wave, pour ne pas dire New Wave. Voilà, c'était le deuxième morceau de cette playlist consacrée au Brésil ce soir. Le Brésil, un pays qui me fascine, je ne m'en cache pas. Cette émission est la deuxième d'une trilogie qu'on consacre à l'Amérique latine, après le Mexique il y a un peu plus d'un mois, et après l'Argentine, le Chili et le Pérou dans un peu plus d'un mois. On vous fait une émission sur le plus grand pays lusophone du monde, ce quasi sous-continent dont on parle beaucoup mais qu'on connaît relativement assez peu. Alors évidemment, chers amis, vous n'avez pas besoin de nous pour savoir que le Brésil est un grand pays de la musique, mais pour ce qui est des musiques sombres, on a quand même beaucoup plus de mal à se renseigner. Nous-mêmes, on a eu beaucoup de mal à préparer cette émission, et ça fait un petit peu prétentieux de dire comme ça une trilogie sur l'Amérique latine, une émission spéciale Brésil, mais je vous assure que quand on voit tous les talents musicaux qu'on a découverts pendant la préparation de cette émission... C'est pas une trilogie qu'il faudrait, c'est une saison complète. Et en plus, ça rend modeste, ça c'est rien de le dire. Et on va continuer avec un autre groupe qui lui aussi date de cette période, les années 80, et l'explosion qui a eu lieu sur la scène brésilienne à l'époque, puisqu'il s'agit de Viaduc Moe. Ne me regarde pas avec des yeux ronds, Nathalie. Viaduc Moe, ça ne veut rien dire du tout. C'est du propre aveu du groupe lui-même. J'attendais que tu trébuches sur le nom du groupe qui est relativement imprononçable quand on le voit écrit. Et non, il ne l'a pas fait, dommage. Tant pis, je passerai 2010 avec ce regret éternel sur le cœur. Non mais tu sais, je m'entraîne depuis quelques jours, hein. Un peu comme pour le texte de l'introduction de l'émission. Il m'a fallu un petit peu de pratique. Viaduc Moe, donc, qui ne veut rien dire, ni dans les langues des Amérindiens du fin fond de l'Amazonie, ni même en portugais, c'était un peu comme avec ton groupe Kuntal. C'est un mot que un des membres du groupe avait vu dans un rêve, tout simplement. C'est une bonne source hein, pour un nom de groupe. Hein. Au moins, il y a une histoire déjà à raconter. Et puis en plus, il y a un petit côté onirique, ça cache rien. Exactement, dans un pays où les magies et les religions sont aussi diverses et variées, c'est peut-être un signe de la Bancumba, va savoir. Toujours est-il que Viaduc Moe a fait quelques bons albums à l'époque, notamment un dont on va écouter un extrait tout de suite, O Apiche. C'était en 1988 et je vous propose d'écouter tout de suite le morceau Redenção. A vida é muito lenta, é pouco. Olha os passos como o vento. de tutta la lista mondia, non prepara sua difesa. Oh, Bodo. Oh, Bodo. Oh, Bodo. Oh, Bodo. Guignol. Ah, Dadigno, qu'est-ce t'es venu foutre dans mon point de vente, mon copain? Qui c'est qui a dit que la part était à toi? Raconte-moi. Qui c'est qui a dit que c'était à toi? Mon frère, Dadigno. Ta gueule, Dadigno, il est mort. Maintenant, c'est Pequeño, enfoiré. Dans vos oreilles, c'était Viadoc Moé, en espérant que je massacre pas trop le nom du groupe avec le morceau Redensao et Escarlatina Obsessiva ensuite avec le morceau Cotard Fleas. J'espère que vous avez apprécié cette entrée en matière à la fois très très sombre, à la fois très joyeuse. Comme je le disais, Orantène, il y a toujours le petit côté espoir dans leur production. C'est ça que je trouve génial, moi, c'est ce genre de groupe. C'est vrai. Alors, on en parlait hors antenne. C'est vrai que ça nous a saisi en préparant cette émission, cette manière qu'ont les Brésiliens vraiment de mêler les musiques sombres telles qu'on les entend à l'international et qu'ils se réapproprient en y rajoutant toute l'énergie qu'ils ont dans ce peuple très métissé, dans ce pays-là. Comme on disait hein, en antenne, on peut pas faire la musique gothique en Finlande où il fait nuit 4 mois par an et dans un pays où il y a autant de lumière qu'au Brésil, c'est pas possible. Et c'est clairement le but de ce soir avec notre playlist consacrée à ce magnifique pays. Alors Escarlatina Obsessiva, c'est un groupe qui a réalisé un album que vous pouvez télécharger librement sur le label Zorch Factory Records. Je vous mettrai le lien sur le forum de Rage. Et un groupe post-punk, comme vous venez de l'entendre, un groupe contemporain qui a réalisé un album l'année dernière. Et c'est un extrait de cet album-là, Cotard Fleece, qu'on vient d'écouter. C'était enchaîné juste avant avec un groupe beaucoup plus ancien, Ziadok Moe, avec le morceau Redanza, qui était dans lequel j'ai retrouvé un petit peu le son du berimbau quand je faisais de la capoeira. Vous savez, la capoeira, c'est cet art martial brésilien qui est à la fois une danse et un art de combat et un jeu en même temps. Et pour lequel il y a des tas d'instruments de musique et de chants associés. Le berimbau, c'est un instrument au son très métallique. Que pour la capoeira, tu me corriges. Si c'est faux, que c'était un art de guerre en fait qu'ils avaient camouflé en danse pour qu'on puisse pas leur créer de problème au niveau des esclaves, mais qu'ils puissent quand même s'entraîner en cas de problème, vu qu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer tout ce qui était arts martiaux, combat, défense. T'as pigé ça, t'as tout compris. C'est vraiment la culture des Noirs, des esclaves qui étaient importés au Brésil. Eux-mêmes venaient de peuples différents. Déjà en Afrique, ils se faisaient la guerre. Quand ils se sont retrouvés en train de bosser côte à côte dans les plantations, ils ont continué à se faire la guerre. Mais comme les maîtres d'esclaves ne voulaient pas que la marchandise soit abîmée, ils n'avaient pas le droit de se battre. Du coup, ils faisaient semblant de danser et en fait, ils se battaient. C'est ça qui est très subtil dans la capoeira. C'est une danse d'esquive pour esquiver les coups de fouet du maître, tout autant qu'un art de combat, un art martial très efficace pour se foutre sur la gueule. Voilà, on retrouve beaucoup d'arts martiaux, on retrouve beaucoup de gestes qui peuvent être relativement meurtrier, donc pour une danse c'est la danse de mort, voilà, c'est joliment dit. Et on va continuer donc dans cette vague post-punk new wave hein, qui a irrigué comme une lame de fond l'Amérique du Sud en général, le Brésil en particulier, à partir des années 80, avec un groupe que toi tu nous as ramené, Rosa dos Ventos, c'est bien ça? Voilà, Rosa dos Ventos, qui est un groupe de Sao Paulo, un groupe pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur parce que c'est un groupe très très ouvert sur le côté culturel. Le morceau que je vous ai ramené s'appelle Oreille Tristée, au roi triste. Alors pourquoi ce morceau a une histoire? C'est que ce sont des gens passionnés par tout ce qui est culture aztèque, qui est pourtant mexicaine principalement, même si les Aztèques ont mis un peu les pieds un peu partout, vu que les frontières à l'époque n'étaient pas définies comme maintenant. Et le morceau Oreille Tristée, c'est un hommage en fait au dernier roi aztèque, qui est Moctezuma, mort. Je crois. Non, c'est pas Moctezuma, il y en a eu un autre après qui était... Alors, je vais te chercher le petite chose. Voilà, Oreille Tristée, c'était pas... En fait, ça n'a rien à voir avec un problème d'audition. Hein, voilà, Oreille Tristée, non, tout à fait. Le dernier roi aztèque, c'était Cuauhtémoc, qui est mort étranglé parce qu'il a refusé de livrer sa population en esclavage. Beaucoup de sa population a préféré se suicider que de mourir esclave. Et c'était un morceau en hommage à cet acte relativement héroïque, quoique désespéré, qui a eu lieu à cette époque-là. C'était le Masada, c'était le massacre de Masada, mais version américaine. Et le morceau que tu nous as ramené, Oreille Tristée, on va l'écouter tout de suite. C'est pour vous ce soir dans Claro Oscuro. Sorte baixou os olhos sobre ele. Transformou-lhe assim em um cão sarnento. Danse pour exprimer leur souffrance. Ouais, la seule façon cool de danser, c'est les bras le long du corps, les yeux rivés sur le sol, et toutes les 3 secondes, tu tiens une table de ta cigarette. Clair obscur. Les musiques sombres sur Rage. D'écouter Rosa Devento avec le morceau Oreille Triste et suivi de Maelstrom et le morceau Illuminati. Juste un petit mot pour vous en dire plus sur ce groupe Maelstrom, qui est alors c'est un nom de groupe relativement courant, hein, malheureusement, surtout dans le milieu métal, vu que là on monte un petit peu dans le côté bourrin pour les chevelus, hein, qui nous écoutent, on leur fait une dédicace. Ceux qui nous ont précédés notamment. Tout à fait, et le morceau donc Illuminati, c'était un petit morceau donc de contestation face à la pression de la religion, avec l'histoire des Illuminati, avec l'histoire de tout ce qui est l'Opus Dei. Là, ils se sont penchés sur les Illuminati. Le reste de l'album, enfin, ils tapent un peu sur tout le monde. Donc comme ça, au niveau religion, tout le monde en prend pour son grade. Attends, tu veux dire que l'Opus Dei a beaucoup d'influence au Brésil? Mais apparemment, oui, beaucoup plus qu'on ne veut bien l'avouer. C'est un peuple relativement croyant, et moi, ce que j'en ai vu sur pas mal de forums, c'est que il y avait un certain poids, peut-être plus présent que chez nous. Ah bah tu vois, décidément, même moi j'apprends un truc pendant cette émission. Je savais que les pentecôtistes étaient très très présents, etc. Qu'il y a des tas d'églises alternatives. On va parler du camp d'Omblé tout à l'heure, cette religion assez particulière. Je pense qu'ils veulent regagner, entre guillemets, des parts de marché. Oui, je crois que le terme est bien choisi. Donc Maelstrom, le nom était bien trouvé. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes dans Clair Obscur, vous nous écoutez sur Rage, sur le 90.3 dans le Vaucluse, sur le 102.5 dans le Gard et l'Hérault et une partie des Bouches-du-Rhône, et sinon à Sao Paulo, à Recife, à Fortaleza ou dans le reste du monde. Lusophone ou non, vous nous écoutez sur le www.rage.fr et ça nous fait plaisir de vous accueillir dans cette dernière émission de l'année, émission qu'on va continuer avec une playlist consacrée pour cette fin flamboyante au Brésil, ce grand pays de la musique. Et on continue avec un autre groupe que tu nous as ramené, Nathalie, de Maelstrom. On va passer à Maldita avec le morceau Estelo de Fogo, qui est un groupe aussi de Sao Paulo. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dû avoir un coup de cœur sur ce... Non, c'est simplement qu'il y a la moitié de la population du Brésil qui vient à Sao Paulo. Parce que c'est vrai que la moitié des groupes que je ramenais, je me disais mais Sao Paulo, bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est un groupe, alors on va continuer dans le côté métal là, alors pour les charmants chevelus métalleux qui nous écoutent, parce que j'ai eu des remarques sur la chatbox. Et oui, nous avons une chatbox et nous avons aussi une page Facebook. Stéphane ne l'a pas précisé, mais n'hésitez pas à nous laisser un message dessus. Et voilà, donc j'avais envie de continuer à monter sur le côté plus métal que purement gothique qu'on fait d'habitude, parce qu'il y a une très très belle scène métal au Brésil. Il ne faut pas la négliger, parce que vraiment il y a énormément de choses à voir. Il y a d'autres groupes type la Toueta de Danann sur le côté folk médiéval, enfin il y a énormément de choses. Si vous avez envie, laissez-nous un message, on vous mettra plein de liens, parce que c'est pas une émission d'une heure qu'il faudrait, comme on vous a dit, c'est une saison. Voilà. Donc on va continuer sur cette scène voilà, métal. Stéphane nous dit qu'il faut se rouiller, il faut se mettre à la bourre. Où il y a à boire et à manger, il y a quelques trucs qui sont vraiment pas terribles, mais toi tu nous as choisi le meilleur, notamment avec ce groupe Maldita. Et Estelo de Fogo. Estela de Fogo não quer parar de brilhar. Ela tem 5 pontas e deixa o corte regular. A estela de fogo não quer parar de brilhar. Ela tem 5 pontas e deixa o corte regular. Está afiada sua navalha. A minha estrela de fogo está cortada. Sua navalha Oshu, le diable, c'est la lumière qui vient. C'est lui, Oshu, qui t'amène ici. Pourquoi tu restes dans les trous de la cité de Dieu, où Dieu t'a complètement oublié? Pour vous réveiller, si vous étiez un petit peu endormi, vous avez eu droit à Maldita Estela de Fogo, suivi de Electrica, dans un genre encore plus bourrin. Hein. Une petite salutation à nos amis à cheveux longs ou courts, hein, avec le morceau Cigano. Et on va aller vers des contrées un petit peu plus électroniques, puisque le Brésil est aussi un grand pays de la scène électronique. Tout à l'heure, vous avez pu entendre, pendant qu'on parlait, certains morceaux d'Amon Tobin, notamment, on ne présente plus ce grand DJ de la drum and bass. Et tu nous as ramené à un groupe au nom un petit peu, bah, lui aussi, qui sonne de manière un petit peu religieuse, puisqu'il s'agit de Pecadores. Tout à fait, avec le morceau... peut-être pas très religieux au niveau du nom, parce que le morceau c'est Blaud, et le style n'est carrément pas religieux, vu qu'on est sur du bourrin électronique de soirée. Voilà, moi c'est tout à fait le genre de choses que j'aimerais qui passer en soirée. Ça change un peu de tout ce qu'on entend d'habitude, même si c'est toujours agréable. Et ce morceau Blaud, je vous laisse le découvrir, parce que je vous en dirai un petit mot après, mais je vous laisse vous en mettre plein les oreilles d'abord. Yeah. In the name of God, I will kill you, brother. Les oreilles, enfin j'espère que je ne vous ai pas réveillé, ou au contraire, tant mieux vu l'heure, il faut se préparer pour demain, hein, passage en 2010. À l'instant, Pecadores, les pêcheurs, ici je l'ai bien traduit avec le morceau Blaud, avec un petit côté très, très axé sur la religion toujours. Hein. Alors à la base, le concept de leur album, moi ça m'a fait sourire parce que c'était de la dark samba, et justement sur la chatbox on en parlait en disant que c'était pas possible et un petit côté ironique, et si, même si la totalité de leur album n'est pas dark samba, on peut arriver à faire du sombre avec du souriant et de l'ironique, vous venez à mon avis d'avoir la preuve à l'instant. Et on va faire un petit bond dans le temps en retournant avec quelque chose de plus calme dans les années 80 dont je vous parlais tout à l'heure, avec un de ces groupes qui ont eu une carrière éclair à l'époque où le Brésil revenait à la démocratie après des années de plomb particulièrement dures, et où finalement on peut comparer ce qui s'est passé en Espagne dans les années 80 avec la Movida et tous les groupes et tous les films, les réalisateurs qui se sont créés à ce moment-là, et au Brésil où, avec cette transition tout en douceur vers la démocratie, il y a eu aussi une création artistique très importante, et on va profiter à nouveau avec le groupe Kafka, qui ne se prend moins la tête que l'auteur en question, mais qui a un son très très agréable. Moi je propose d'écouter un de mes morceaux préférés avec le titre Alem das Dunas. Abstratas, eu cego, sinto as imagens, eu cego, sinto as imagens, e mais além por quê? E mais além por quê? E mais além por quê? Não há mais ninguém. Ideias, quando penso abstratas, eu cego, sinto as imagens, eu cego, sinto as imagens, e mais além do que, e mais além do que, e mais além. Clair Obscur, l'émission des musiques dark. Sur Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille. Et nous avons aperçu de forme trois assez rouges. C'était les premiers bororo que nous voyons. Parés de colliers, de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguars d'une blancheur éclatante, qui chantent. Danse pendant des heures. Alors, ça en soi-même, c'est enivrant. On était, quelque sorte, envahis, submergés par la richesse et la fantaisie d'une culture probablement exceptionnelle. Une culture exceptionnelle, c'est ce dont on vient de vous faire l'écho ce soir dans Clair Obscur. Monsieur Lévi-Strauss n'a sans doute été ni le premier ni le dernier à s'en rendre compte. Il nous racontait à l'instant sa rencontre avec les Indiens du Mato Grosso. Et on arrive vers la fin de cette émission. Une heure, c'est trop court pour décrire ainsi grand pays, un pays aussi magnifique et aussi riche. À l'instant, c'était enchaîné Kafka avec le morceau Alem Das Dunas et juste après Lua Nigra, un projet dark folk emmené par Anon, qu'on salue au passage parce qu'il a demandé à écouter l'émission Boy Noiti Amigo. Et c'était le morceau Saliva y Sangre tiré de l'album du même nom que vous pouvez écouter sur sa page MySpace dont on vous mettra le lien. Voilà, on arrive vers la fin de cette émission, on va se quitter. Sur Lua Nigra, j'aimerais faire la comparaison quand même avec Sol Invictus en Europe, puisque de la même manière que le groupe Sol Invictus s'inspire des religions polythéistes antérieures à l'ère chrétienne chez nous, Lua Nigra s'inspire des dieux du Candomblé et notamment de Yemanja, qui est la déesse de la beauté, un genre d'Aphrodite sud-américaine. Comme je vous disais, un imaginaire très riche et dont vous pouvez voir les illustrations sur les liens que je vous mettrai à disposition sur le MySpace, sur le forum de Rage ou bien Nathalie vous les mettra sur le Facebook. Ma amiga, Feliz Natal. Bonne année. Bonne année, parce qu'on s'y prend un petit peu à l'avance, mais c'est bientôt, hein, il va y avoir la bringue. Alors je vais faire mon petit côté moralisateur, mais c'est quelque chose qui me tient relativement à cœur, parce que j'ai perdu moi trop d'amis sur les routes à cause de ce genre de conneries. Faites gaffe si vous picolez ou si vous faites les cons demain soir. Voilà, prenez pas le volant, faites pas les cons, dormez sur place, prenez-vous un duvet dans la voiture. Enfin voilà, c'était mon petit message. Je sais que ça n'a rien à voir avec le Brésil et que c'est pas très drôle avec la nouvelle année, mais attaquer 2010 entier et pas dans un caveau, même si c'est goth, ça le fait pas. Ça n'a rien à voir avec le Brésil, c'est toi qui le dis, puisque là-bas, ils roulent à l'éthanol et je pense pas que ça les empêche de se planter sur la route aussi. Allez, on va se quitter, on va clore cette dernière émission de l'année qu'on a eu le plaisir de passer avec vous. Et cette émission consacrée au Brésil avec un extrait de la bande originale d'un film qui vous aura sans doute beaucoup plu ou tout, pour le moins beaucoup impressionné, puisqu'il s'agit de La Cité de Dieu, dont on a pu écouter quelques extraits pendant l'émission, avec le morceau de Cartola, Preciso, mais en contra. Salut. Bonne nuit, bonne année. Adouche. Vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Quero nascer, quero viver, deixe-me, precisa procura e a procura e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Preciso andar, vou por aí a procurar.